OK, on va parler de nos Saguenayens de Chicoutimi qui ont retenu l'attention au cours du week-end avec un match historique. On va en discuter avec le directeur général et coach des Saguenayens de Chicoutimi, Yannick Jean. Bonjour Yannick. Bonjour. Malgré les deux défaites en prolongation, tu dois quand même être fier du courage et de la ténacité de tes joueurs. Oui, extrêmement content de la manière qu'on s'est comporté. La résilience démontrée par tout le monde. Pour une première expérience en séries éliminatoires, pour beaucoup de joueurs, c'en était toute une. Puis ils ont quand même très bien réagi là, compte tenu des circonstances. Tu sais, dans le revers de samedi, le joueur qui a la première étoile, c'est le gardien de but des Saguenay de Chicoutimi, Alexis Chang. Quel brio! Puis en plus d'être très bon, il a, Yannick, puis je veux que tu m'en parles de ton gardien de but, une très, très forte concentration. Oui, c'est quelqu'un qui est calme, hein, de nature, toujours bien concentré. On le voit, là, c'est, je pense, le meilleur gardien de but dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec en troisième période cette saison. Il est vraiment là, constant, soir après soir. Honnêtement, c'est un jeune qui est en plein moyen de ses capacités depuis le début de l'année. Nous donne une chance de gagner soir après soir, puis gère très, très match. Ça, c'est l'aspect mental, hein, bien gérer ses matchs, puis c'est quelqu'un là, de solide là, en haut des épaules. Comme joueur, Yannick, puis comme entraîneur, est-ce que la partie de samedi, ça a été la joute la plus excitante auquel tu as dû participer? Ouf, sûrement, je te dirais... Même nous, les entraîneurs, on n'a pas joué, puis on était exténués à la fin de ce match-là. C'est rare qu'on voit ça. J'ose imaginer comment que les joueurs, eux, pouvaient se sentir là, de leur côté. La question que je me posais, là, plus ça avançait dans la partie, je me disais, qu'est-ce que Yannick peut bien leur dire entre les périodes? Et surtout, y a-tu moyen de booster les joueurs avec des suppléments alimentaires, ben, pas des suppléments du sucre, je ne sais pas trop quoi. Qu'est-ce que vous leur avez donné? Ah, ça dépend. Ça dépend de quand et ça dépend de quelle période. Entre les périodes, déjà, là, ils ont des choses à prendre, des suppléments, puis des liquides. Après la première période de prolongation, il fallait tomber là, dans le solide. Ça prend absolument, après tant de temps d'effort, il fallait qu'ils mangent solide. Donc, ça prenait une quantité de glucides solides à ingurgiter. En tout cas, tu sais, on a des spécialistes de ce côté-là, ces gens-là nous suivent dans les séries. On fait un travail remarquable là, avec nos joueurs. Notre préparateur mental également. Ça s'en va là, dans la situation où est-ce que ça devient mental. Il faut que tu sois capable de rester dans le moment et non de te concentrer sur la douleur que tes jambes ont ou peu importe. Là, parce qu'à un moment donné, ça vient que le corps te fait mal. J'ai eu une discussion avec un joueur après le match à la blague, puis j'ai dit, je comprends pas, en quatrième prolongation, je t'ai vu renaître. Il dit, ça me faisait tellement mal aux jambes. Il dit, en deuxième, troisième, puis à un moment donné, tout soudainement, en quatrième, j'ai sentais plus mes jambes. C'est pour ça que je me suis remis à pâtisser. c'est des petites affaires là, qui arrivent, puis que... Je te dirais, là, c'est quasiment inhumain. Plus la partie avançait, parce que c'est une joute historique, il faut bien le dire, là, plus ça avançait, ils ont joué pendant 5 heures de temps. Là. À la fin, est-ce que tu sentais qu'il y a des joueurs qui n'avaient plus de jus, puis il y en a d'autres qui en avaient encore? Comment t'as géré ton banc à la fin? Ça dépend des situations. Il y a des périodes où un tel avait moins de gaz, un autre en avait plus. On a mélangé beaucoup les choses là, durant les lignes, durant ce match-là. Un joueur, tu sais, comme cassait, reprenait de l'énergie plus tard, bien là, on modifiait les choses. On a tenté là, d'y aller avec les gars sur le coup qui avaient le plus d'énergie, qu'on voyait qu'il y avait encore des jambes. C'est difficile d'avoir des jambes pendant 7 périodes de temps. C'était à nous là, vraiment de les analyser pour voir là, dans quelle ou telle situation qu'on devrait les mettre. Mais dans toute la gang, il n'y a pas un qui t'a dit « Maintenant, j'ai plus de jus. » Il n'y a pas un qui t'a dit ça. Ben, pas nous dire j'ai plus de jus, nous autres on le voyait. bon, mais il y en a qui ont subi des crampes là. Le match a progressé. Donc, il a été peut-être un 5, 6, 7 minutes où est-ce qu'un joueur devenait indisponible parce que justement il y avait des crampes. Donc, il fallait s'assurer là, de bien gérer les choses. Est-ce que, bon, toi, tu as déjà été joueur également, est-ce que ça t'a déjà arrivé de jouer un match aussi long? Moi, j'avais joué le match le plus long de l'histoire de la East Coast, mais on avait joué seulement après une minute en quatrième période. Donc, on a dépassé ce qu'on a fait là, lors du match de samedi. Donc, tu pouvais un peu comprendre ce que les joueurs ressentaient, là. Oui, mais ça faisait tellement longtemps, je me rappelle comment je me sentais là, à ce moment-là, dans ce temps-là. Okay. Là, vous avez deux défaites. Vous auriez pu gagner les deux joutes. Ça aurait pu être 1-1 dans la série. Est-ce que, d'après toi, la défaite est dure à avaler? Tu sais, ça dépend tout le temps de la manière que tu perçois les choses. Tu finis un match, tu perds 7-1, tu dis, ouais, on est vraiment pas de calibre. D'un autre côté, tu dis, bon, il n'y avait rien à faire. Ou de l'autre côté, tu dis, tu sais, il y a deux manières tout le temps de voir chaque situation. On sort de ces deux matchs-là en disant, regardez, c'est nez à nez, on savait que ça serait serré, c'est exactement, mais ça peut être encore comme ça pendant plusieurs matchs, puis à un moment donné, ça peut virer de notre côté. Faisons en sorte de contrôler ce qu'on peut contrôler. Changeons quelques petites choses peut-être qui vont faire en sorte là, qu'on va être encore meilleur ou qu'il y a quelques situations qu'on va mieux exécuter. Puis peut-être que ça va tourner en notre faveur. Ça ne prend pas grand-chose. Après ces deux matchs-là, que ça prend pas grand-chose pour que ça vire de notre côté. Donc, je pense pas qu'il y ait besoin de remonter le moral ou de tout le monde sait qu'on est capable de compétitionner contre eux. En plus, dans le supplémentaire, je pense à la deuxième ou troisième période de supplémentaire, vous avez eu pas une, pas deux, trois punitions. Là, je me disais, mais ils vont manquer de jeu à quelque part, voyons donc. Mais à chaque fois, puis là, c'est là que je me suis dit, ils vont gagner, Colin Debin, ils sont capables de se défendre à 4 contre 5. C'est un bon point. Ça brûle du jeu aussi. Ça brûle du jeu, pas à peu près. Minutes en désavantage numérique, il y en a une, qu'on a passé quasiment tout le long là, dans notre zone également. Les pénalités, oui, font partie du jeu. Je trouve qu'on en a eu beaucoup pour autant de périodes de prolongation comme ça, où je trouve que l'autre équipe n'en a pas eu nécessairement beaucoup, mais que veux-tu? Les arbitres font partie du jeu, maintenant on tourne la page, mais oui, ça l'aide pas là, justement à ce que le niveau d'énergie là, il reste à point là, lorsque tu te défends comme ça. Puisqu'on en parle des punitions, Yannick, là, dans la première partie, on revient au vendredi, vous avez eu un 5 minutes, c'est là qu'ils ont compté un 2 puis 3 buts. Et là, vous avez remonté ça, 3-1, 3-2, 3-3. Hey, ça prend du caractère pour revenir de l'arrière comme ça en série éliminatoire. Là. Faut le faire. Oui, définitivement. Ça nous a donné quand même là, un certain bout pour le deuxième soir. Tu sais, jusqu'à maintenant, là, et la pénalité, alors qu'on est en train de poser une période, je pense que c'est les deux tournants de cette série-là. C'est à nous vraiment de faire en sorte qu'on essaie juste de renverser la vapeur en évitant ces choses-là. Même si c'est seulement que deux parties, c'est un beau bagage d'expérience en fin de semaine parce que tu as une équipe jeune. Tu sais, les gars, ils prennent de la maturité. J'ai hâte de voir comment ça va tourner cette semaine. Ah, on a hâte aussi. On a hâte à demain. On sait que la foule va être de notre côté. C'est une foule intimidante ici à Chicoutimi dans les séries éliminatoires. Puis on a vraiment hâte là, que nos jeunes y vivent ça à la maison. Puis en plus, ça joue dur. C'est une série où il y a beaucoup d'animosité, ça se bouscule, ça se brasse. Ma foi, du baptême, c'est physique comme ça se peut pas. Oui, il y a de l'émotion, puis c'est quelque chose depuis le début de... Le début du mois de février, on essaie de mettre de l'enfance parce que les séries, on sait que ça va être physique. On voulait préparer nos jeunes, nos joueurs de la meilleure manière possible en vue de ça, puis... À venir jusqu'à maintenant, là, ils font très bien ça. Se peut-il, Yannick, que le meilleur joueur en fin de semaine, c'est un jeune de 16 ans qui porte le chandail des Sags, Théo Rochette? Oui, c'était un des bons, sinon le meilleur, mais tu sais, c'est un joueur extrêmement talentueux. On n'est pas nécessairement surpris là, qu'il soit capable de faire ça. Peut-être surpris qu'il le fait aussitôt dans sa carrière, sauf qu'on n'est pas surpris qu'il soit capable de faire de belles choses demain. Ça promet pour 17, 18, 19, puis je ne sais pas s'il va être encore là comme joueur de 20 ans. Ça promet pour le futur. Ça paraît que tu as 20 ans. Voyons, Yannick, garde-le le plus longtemps possible. Et en terminant, Yannick, penses-tu que... Parce que là, il y a des gens qui nous écoutent à la radio, donc ils sont brûlés, Sax. Là, je veux que tu répondes à ma dernière question. Penses-tu que les joueurs auront eu le temps de récupérer pour le troisième match? Ben, remarque, c'est la même chose pour Rimouski, là. Ah, exactement. C'est ça qu'il faut se dire. C'est ça qu'on se dit. Regardez, c'est égal les deux équipes. On a le même nombre de minutes de jouer. On n'a pas joué tout seul pendant un nombre de certaines périodes, année jusqu'à maintenant. Les deux équipes étaient sur la glace. Maintenant, renversons la vapeur. Je pense qu'ils vous trouvent tannant. Lâchez pas, les gars. Merci beaucoup. Yannick Jean, bonne chance. Bonne chance pour les deux parties mardi, mercredi. À lundi prochain, on se parle. Bonsoir, merci. Au revoir. Rimouski doit dire son tannant. C'est toi, Isaac. Ah, oh oui, c'est puis, tu sais, Schenk est dur à battre. Oui. Mais demain, il faut gagner demain, là, parce que c'est sûr que si on l'échappe 3-0, on n'en gagnera pas 4 en ligne. Non, ça va être difficile. Je doute.